Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. C'est le début du tournoi du centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini au cours du week-end. Il y a, en entrevue sur les ondes de danadosport.com hier, David Lamontagne a expliqué qu'il y a un petit peu moins d'équipes cette année. Cette année, une petite baisse d'inscription, peut-être aussi le nombre de peut-être les matchs vont commencer aussi, aujourd'hui. Il y aura seulement cinq matchs. Okay. Mais on a quand même trois classes. On va y aller avec du hockey simple lettre. Il y avait des matchs au cours du week-end. D'abord dans le novice A. On a les trois classes qui du côté des Patriotes de Saint-Bruno et les Bulldogs et Félicien sur les Bruins du Knull de 3-3. Également, gain des Hurricanes de Robertval 2-1 sur les Castors de Dolbeau. Et également, les Bulldogs de Saint-Félicien ont gagné 5-4 contre les Éperviers de Normandin. En novice B, à noter que les Castors de Dolbeau ont défait les Éperviers de Normandin 5-0 et les Castors de Dolbeau ont défait les Sénateurs de Saint-Félicien 3-1. Du côté maintenant de l'Atome B, à noter que les Loups de Dolbeau-Mistassini ont défait les Genois d'Alma 1-0. Également, à noter que les Monarques de Saint-Ambroise ont gagné 5-3 sur le Dynamo de Chicoutimi. En Bantam A, les Bulldogs de Saint-Félicien ont défait le Dynamo de Saguenay 3-1. Et du côté du Bantam B, à noter que le National de Saguenay a défait l'Extrême de Saguenay 4-1. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Frédéric Degg de la presse canadienne où on parle évidemment du retour possible des expos. Également, je me suis entretenu aussi avec Stéphane Lebeau où on parle évidemment de l'actualité chez le Canadien et dans la Ligue nationale de hockey. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.